de merde, monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, monde de merde. I believe that it's a creature from another world, another time. h 30, vous êtes sur Radio Contrabanda. Comme tous les lundis à partir de 21h30, Las Gabachos Banda, votre programme français, arrive dans un tout petit instant. Vous êtes sur Radio Contrabanda, la fréquence 91.4 pour nous écouter derrière votre poste de radio et puis par le biais du net au www.contrabanda.org. Les gars battus, on est là et on va parler encore en français parce que ça changera pas. On a du monde, on a des activistes, on a des gens un petit peu, comment dire, un peu obscurs dans les temps qui courent. C'est assez intéressant pour ça. On va dire donc on a Fernando, Anna, Amanda, c'est bien ça. Ouais. C'est ça, on a Philippe. J'avais dit surtout tu le dis pas. Hein. Surtout tu le dis pas pour commencer. Hein. Ouais, mais on s'en fout. Non, tu t'en fous. Bon, d'accord. Et voilà, bon, on va parler de plein de choses. C'est vrai. Ouais, alors il faut savoir que généralement, on commence cette émission, la première demi-heure, on est censé, généralement, habituellement, tous les lundis à partir de 21h30 et ce jusqu'à 22h15. On est solo tous les deux en studio pour vous donner un maximum d'infos, rebondir sur des phénomènes de société, des grands sujets d'actualité, ce qui se passe en France, puisqu'il s'en passe beaucoup des choses en France depuis quelques semaines. Aujourd'hui, on a vu la conclusion, on va revenir là-dessus brièvement tout à l'heure. Et puis surtout, revenir sur un certain nombre d'actus, donc sujets d'actualité, phénomènes de société. Aujourd'hui, en ce lundi 10 avril, sachant que c'est le 100e jour de l'année, à savoir, petite info perso, nous sommes le 100e jour de l'année ici, le lundi 10 avril aujourd'hui. Alors je vais pas vous faire l'éphéméride et tout plan derrière. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va commencer inhabituellement cette émission puisque nous sommes pas seuls dans les studios, il y a des gens qui vont venir nous raconter de beaucoup de choses, notamment sur une actualité qui s'est passée vendredi dernier. On a parlé brièvement les semaines passées de la macabra et des problèmes que pouvaient rencontrer les squats en ce moment à Barcelone. Et là on est en plein dedans puisqu'il y a des gens qui sont quand même censés les mieux placés pour pouvoir parler de tout ça, qui nous ont accompagnés, qui vont nous accompagner jusqu'à 22h15 aujourd'hui. Pour ça, je vais te laisser présenter la Clica qui est Castaki. Bah écoute, la Clica, on a Philou qu'on présente plus, qui avec sa guitare, on fera un petit jingle improvisé, imprévisible tout à l'heure. Bon, Lorenzo, bien sûr, au platine et compagnie. On a Fernando, salut, qu'on a l'occasion de voir souvent, effectivement, avec nous. Bah, pas souvent, je suis venu une autre fois, juste. Ouais. Qui, effectivement, on propose un programme de radio, la Pulperia. C'est tous les jeudis, c'est bien ça, Fernando? Voilà, les jeudis d'une heure et demie à 3h de l'après-midi. Yeah. La pulperia, c'est voilà. Ambiance bar. En castillan, par contre. Tu nous as fait une ambiance squat, quoi. Fais gaffe, il y a les keufs qui vont venir fermer ton émission. Bon, bah voilà, ça c'est un radio squatté aussi, ça tombe bien. Exact. C'est l'occupa partout. L'occupa partout. Fernando, qui est espagnol et qui nous fait le plaisir et le privilège pour nous, amis gabachos derrière votre poste de radio, de parler aujourd'hui français. Parce qu'il le fait mieux que nous, peut-être. Non, parce que je vous aime bien. C'est gentil. Ah, ça fait plaisir. Il nous aime bien quand il arrive, il nous aime bien, c'est cool. C'est énorme. Et à côté de Fernando, bon, Fernando, il fait plein de choses, du théâtre, ceci, cela, on a déjà parlé. Il va traduire un livre français en catalan, c'est bien ça? Ouais, c'est en castillan, mais au début, ça allait sortir bilingue, mais à la fin, on n'a pas eu le temps. Ouais. Donc, ce sera qu'en castillan. Et la deuxième édition, ça sera en français, castillan. Ah, bon. Bah écoute, de toute manière, pour l'occasion, on te réinvitera parce que Fernando, il fait partie des studios comme tout le monde ici. Et sur ma gauche, on a Amanda. Amanda. Salut. Comment est-ce, Amanda? Bien, bien. Amanda. Ça fait longtemps que je parle pas le français, donc je vais avoir beaucoup de mal et ce soir. Et puis c'est symptôme parce que tu es du sud de la France. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu es du sud de la France, Amanda. Oui, oui, oui, oui. Et il y en a un autre qui est du sud à cette table. Ah, ouais, nous. Ah bah tiens, écoute-le là. Bordeaux? Non, de Pau. Ah, Pau. Pau. Ouais. Alors, il y a ça, Pau. C'est le sud-ouest, ça. Il y a match, il y a match. Ah ouais, ouais, moi, bon, je suis sud-sud, quoi. C'est bien. Autour de cette table et dans les studios, il y a des gens de Nîmes, il y a des gens de Béziers, il y a des gens de Saint-Brieuc, il y a aussi des gens de Pau. Et moi, je veux quoi, Montpellier? Il y a des gens de la... C'est ça, la grosse atteindienne. C'est la force sud. Et voilà. Amanda, si on a assisté pour que tu fasses partie de cette émission aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous êtes plus ou moins les acteurs principaux de ce qui s'est passé vendredi soir dans l'occupation du théâtre. Nous deux, de... non, hein, y avait non, plus non, de non, monde. On est un groupe, on est un grand groupe. Alors justement, je veux que vous parliez au nom de ce groupe et j'aurai quelques petites questions à vous poser, notamment sur le choix des lieux et le choix de ce théâtre précisément. Est-ce que vous aviez des informations sur ce lieu? Comment vous avez su qu'il y avait un théâtre et depuis quand ce théâtre est fermé et inoccupé? Bon, mais déjà, dire qu'on a choisi ce lieu parce que El Paralel, c'est une avenue où il y a eu beaucoup, beaucoup de théâtres pendant plein d'années, que beaucoup de ces théâtres sont fermés depuis... Bon, ce théâtre a été fermé, ça fait 6 ans, et on a décidé de l'occuper parce qu'on pense que un théâtre comme ça, une capacité... bon, un monument comme ça devrait être ouvert à tout le public, et surtout que maintenant, la culture est fermée et privatisée, donc... on a décidé de faire ça, on a décidé depuis 2 mois. Et petit à petit, il y a des gens qui sont venus avec nous. Et voilà. Il y en a beaucoup des lieux comme celui-ci, celui qu'on a eu l'occasion de voir. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont fermés. Ouais, les plus connus, c'est le Molino, que ça fait un moment. Il y a une plateforme en lutte aussi pour réouvrir les Molino. Mais toute l'avenue, c'était que des théâtres très populaires, très pour le peuple. Et comme la culture l'a changé, c'est de plus en plus d'élite. Et le théâtre, c'est une histoire d'élite. Maintenant, il faut payer 20 ou 30 euros pour y aller. Exact. Mais ils sont c'est pas rentable maintenant, le théâtre. Ni... Mmh. Non, c'est effectivement peut-être censé représenter une élite. Les théâtres comme celui qu'on a vu, on a l'occasion de voir vendredi soir. Mmh. Et effectivement, à partir du moment où les gens ne suivent plus, les théâtres ferment, les squats ferment. Et si artistiquement, on n'en fait rien, j'imagine que c'était dans un but artistique que vous avez fait ça. Exactement. Ouais. Vous étiez combien, là, sur très honnêtement, vendredi soir, sur le projet vous avez été combien à bosser là-dessus? Ce projet a été, ça fait 2 mois qu'ils bossaient dessus. Au début, il y avait genre 10 personnes. Mm-hmm. Et petit à petit, il y en a eu un peu plus. Mais bon, ça a toujours été sur les 10-20 personnes. Et j'imagine que c'est resté très discret. Donc toi, comment toi, tu t'es retrouvé à participer à ce projet? Bon, mais ça aussi, c'est parce que c'est un collectif d'artistes qui a commencé. Moi, je fais du cirque et voilà, j'ai su ça... D'accord, donc voilà, c'est bouche à oreille, il n'y a pas eu d'infos qui a circulé sur, non, sur Internet ou des journaux, machin, ou des trucs clandestins. Non, c'était quelque chose de secret parce que de toute façon, on savait que sinon, en arrivant, il y avait les keufs devant. Quoi. Donc ça a été vraiment un truc qu'on a essayé de maintenir vraiment... discrètement. Discrètement. En tout cas, personne s'y attendait. Quoi. C'était assez incroyable. Non. Parce qu'un lieu comme ça, le délire un peu groupe autonome, les choses clandestines, tout le monde, on se regroupe. Enfin, ça s'est passé très vite. Expliquez-nous un peu comment ça a été investi, ce lieu, parce que effectivement, les gens hallucinent, parce que beaucoup de voisins passaient par là et se disent « Mais c'est incroyable, un théâtre d'une capacité, d'une richesse et un monument historique, parce que c'était la grosse claque, quoi. Tous ceux qui sont passés par là, comment ça s'est investi ?» Ah, mais c'est clair, là, c'est plein de centre-ville, et l'intérêt pour ce lieu-là, c'est pas le théâtre, c'est de construire des bâtiments. Donc ça fait 4 ans que c'est fermé parce qu'ils sont en train de faire un procès de vente pour construire des bâtiments là-bas. Et c'est la mairie qui a arrêté tous les procès parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est un monument, machin. Mais l'histoire était que comme c'était un monument, ils allaient respecter juste la façade. Et à l'intérieur, ils allaient construire quand même. Donc voilà, c'est pour ça, qu'on a décidé de rentrer. Et c'est le bouche à oreille, ça marchait très bien parce qu'il y avait... presque 200 personnes, je crois, au début. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai discuté rapidement avec toi, Amanda, justement, vendredi soir, et tu m'as dit que quand vous êtes rentré, donc il y a des gens qui sont rentrés peut-être par l'entrée principale, d'autres qui ont trouvé d'autres issues pour intégrer le théâtre, vous étiez hyper organisé dans le sens où vous aviez chacun un nom d'un avocat qui allait représenter s'il y avait un souci particulier, si éventuellement il y avait les forces de l'ordre qui rentraient à l'intérieur de l'Occupa et qui prenaient non pas tout le groupe qui était censé être là, mais une partie des gens. Chacun était organisé de cette façon. Là. Vous saviez à peu près que s'il y avait éventuellement des conséquences plus graves, vous aviez de quoi vous défendre avec, avec des, Moi, j'étais occupée pendant longtemps et c'est vrai qu'au début, j'ai pas été trop dans l'organisation parce que j'avais d'autres trucs à faire. Les dernières semaines, j'étais là et j'ai trouvé qu'il y avait une organisation vraiment incroyable. Incroyable. J'ai du mal. Incroyable. Tu peux dire en espagnol. On comprend des mots. C'est vrai que chacun avait sa fonction, chacun avait. Quand on est arrivé, en fait, comment ça s'est passé un peu, on s'était dans un rendez-vous sur deux lieux, un peu éloignés, genre 100 mètres du théâtre. On a fait un spectacle devant le théâtre en mettant une grande pancarte, je ne sais pas comment on dit en français. Pancarte, une affiche. D'accord. Il y a l'espagnol qui traduit le français pour nous. Je trouve ça énorme, ouais, c'est énorme. Il y a des choses qui se passent, c'est incroyable. Les Français parlent espagnol, les espagnols traduisent en français, je trouve ça génial. C'est la schizophrénie linguistique, que c'est bien, ça tombe bien. Et voilà, on a commencé à faire un spectacle de musique et un peu de clown, tout ça, de danse. Et pendant ce temps, derrière une grande pancarte, on a commencé, on a cassé une vitre. Mais il ne faut pas tout raconter, sinon ils connaissent comment ça s'est fait. Bien sûr. Il y a un côté mystérieux. Il y a les RG qui nous écoutent. C'est la porte était ouverte et on est rentré. Et après, on a ouvert et tous les voisins, tous les gens qui étaient là, ils sont rentrés. C'était assez sympa parce qu'il y avait même des personnes qui avaient joué au théâtre et ça fait 10 ans ou 30 ans qu'ils sont arrivés là. Ils se sont dit, mais putain, c'est incroyable que vous avez rouvert ça. Mm-hmm. C'est trop bien, allez-y. Et tout le monde nous a encouragés. Sauf les coffres quand ils sont arrivés. Voilà. Et donc, les forces de l'ordre sont arrivées tout de suite ou justement, ils étaient peut-être pas au courant de ce qui allait se passer à ce moment-là au théâtre. Vous étiez suffisamment organisé pour essayer de faire ça, les choses discrètement, en loose-dé. Dès qu'on est rentré, on leur a passé une annonce de ce que c'était. Et surtout, on leur a dit, on va être là moins pendant 4 jours. Et on leur a passé un flyer. Avec toute la programmation, il y avait des personnages un peu publics qui sortaient, style José Brujo. Et Paul Rivas, qui est un chanteur des années 70, assez connu ici. Et voilà, et Manuel Delgado, qui est un anthropologue. Et pour faire un peu, voilà, c'est ça qu'on veut faire. C'est pour 5 jours, la programmation s'est fermée, on va rester ici. Et au début, on croyait que ça allait bien. Parce qu'ils ne sont pas bougés, on était là, on a nettoyé tout l'espace. Ça, c'était incroyable, parce qu'on a vu une énergie assez éblouissante. Tout le monde s'y est mis à nettoyer le lieu, un lieu mythique. C'est vrai que, waouh! C'était la grosse claque, tout était clean, nickel, ça commençait à super bien s'organiser. Bon, faut le dire, nous on était présents, on était prévenus. Moi ça m'aimait, comment ça s'est dit, la poêle des poules. La chair de poule. La chair de poule, quand les gens pensent, parce que c'est trop beau. Voir comment les gens, ils arrivent, ils prennent l'espace, ils le sentir comme un espace propre. Non, on était vraiment motivés, vraiment, moi je sentis qu'il y avait plein d'énergie. Et surtout, je pense qu'il y en a, encore maintenant plus, quoi. Que peut-être on était un petit groupe au début et que maintenant on est beaucoup. Et vous qui avez eu un contact direct avec les forces de l'ordre qui n'ont pas intégré le théâtre tout de suite, hein, parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de le faire, est-ce que vous, déjà dans un premier temps, vous aviez fait un état des lieux en sachant que c'était correct et qu'il n'y aurait de toute façon pas de problème et que le lieu pouvait être investi parce qu'il y avait les normes de sécurité qui allaient derrière? Il y a eu un groupe de 15 personnes qui sont rentrées avant que tout le monde rentre. Et eux, on avait marqué 25 minutes, genre, qu'ils rentrent, qu'ils montent, qu'ils regardent s'il n'y avait rien de dangereux, s'il n'y avait pas des trous. S'il y avait... Donc, on n'a pas fait rentrer les gens comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Non, il y a eu des gens qui sont rentrés, ils regardaient bien l'espace. Et surtout que c'est des gens qui sont professionnels de le spectacle. Donc, ils sont habitués à gérer des situations comme ça, à voir comment ça marche en théâtre et à voir si c'est vraiment dangereux. C'est des spécialistes, c'était pas... Je crois que ce sont beaucoup plus spécialistes que les pompiers policiers qui rentraient après pour faire l'état des lieux. Voilà. C'était donc tellement c'est vrai qu'il faut resituer un petit peu. Nos auditeurs ne savent peut-être pas. Effectivement, ce théâtre a été squatté le temps de combien 4-5 heures. Mm-hmm. Et voilà, ça a été un coup manqué malheureusement parce que il y avait, tout le monde y croyait, franchement. Et voilà, ça s'est arrêté d'un coup. Peut-être qu'on s'est relaxé un peu. Les gens, ils sont partis à manger. Et ils ont profité de ces moments-là où la bouffe était à l'extérieur parce que nous, on n'avait pas ramené la bouffe et les gens, ils sont sortis tranquilles, les théâtres et les histoires. C'est parti qu'on voulait faire un espace ouvert depuis le début. Parce que normalement, quand tu squattes, tu fermes un peu et voilà, tu résistes et machin. Mais l'histoire, l'assemblée avait décidé de faire un espace ouvert dès le début, que tout le monde pouvait rentrer, que tout le monde pouvait voir qu'est-ce que c'était, pour s'approprier un peu de l'espace. Mais les portes ont été fermées rapidement aussi, une fois l'arrivée des forces. Mais une fois la police arrive, et on a fermé, ils ont fait une actuation complètement illégale, parce qu'ils ont cassé la porte d'une propriété privée, sans ordre de... Comment on dit quand on bire les gens? Ils n'avaient pris aucune précaution, et c'est vrai que... Bon, après l'histoire a évolué. avec l'arrivée des pompiers, puisque c'était simple de dire est-ce que ce lieu n'est plus aux normes, tout simplement, alors que fallait voir un peu l'état du lieu. Il y avait encore la moquette, des sièges antiques et des fresques. Et on peut dire aussi qu'il y avait un rideau de théâtre, mais assez incroyable. Et justement, ce qui m'a fait mal à la fin, c'est que le rideau a été descendu. Mais moi, je l'ai remonté. C'est vrai? Juste avant de partir, j'ai dit, ça, c'est pas fini, je pouvais pas. Et quand les remonté. CRS et les comédiens sont sortis de scène, on peut réouvrir le... Ouais, on avait quoi un moment très spécial, non? Que la police, elle était sur la scène, et on a dit, ça, c'est une vraie actuation policière. On les applaudit, on demandait une autre, et... Voilà, il faut libérer un peu l'attention qui était à l'intérieur, parce que c'est pas évident d'avoir 4 CRS de 3 mètres de haut, parce qu'ils étaient énormes. Exact. Et moi, je suis tout petit, ça. C'est pas que j'étais nerveux, mais parce que... Si, j'ai vu, ouais, effectivement, ouais. Voilà. Alors, juste un truc, c'est que juste pour parler par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les normes de sécurité, quand les pompiers sont venus, puisque les CRS et les policiers eux-mêmes n'avaient pas l'autorisation de le faire, il faut savoir qu'à partir du moment où ils sont rentrés, même si ils avaient estimé que, et j'imagine qu'ils l'ont estimé eux-mêmes, que l'état des lieux était correct et qu'il y avait les normes de sécurité qui allaient avec, on l'a bien vu, on a été en haut, en bas, et puis il n'y avait pas de problème. Bien qu'il y ait des salles qui soient désaffectées, tout était mis en règle, il y avait du scotch qui interdisait l'entrée, les gens ne sont pas rentrés, ils ont respecté tout ça. Il faut savoir qu'à partir du moment où ils sont rentrés, de toute façon, la décision allait être que c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Écoute, Laurent, moi je vois ça d'une autre manière. J'imagine que forcément, les pompiers, ça fait rire. On était en pleine comédie. Les pompiers étaient complètement dans le coup, quoi. Ouais, mais il est rentré avec 8 policiers derrière, qui marchaient derrière lui pour faire l'état des lieux. Donc forcément, tu n'es pas à l'aise. Et déjà, moi, franchement, il tapait sur les poteaux pour voir si ça tenait. Je crois que ce n'était pas très professionnel. Moi, je crois que s'il enlevait son pull de pompiers, en bas, il y avait une chemise de police. C'était clair. C'était un flic déguisé en pompier. C'est une supposition qu'on fait. Ouais, c'est pour ça qu'on dit ça, effectivement, que de toute façon, quel que soit l'état des lieux qu'ils auraient fait, positif ou négatif, de toute façon, ils auraient demandé aux gens de sortir, ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais de toute façon, pour ça, ils ont dénoncé pour ça, et je pense que ça va être une dénonce qui va se faire beaucoup prochainement dans tous les squats, parce qu'avec la nouvelle loi du civisme, la sécurité des gens, machin, je pense que c'est leur nouvelle arme de dire c'est pour votre sécurité, on vous enlève de là, c'est pour vous, quoi. Et je pense que ça va être un truc qui est très difficile de défendre, parce que pour être aux normes de sécurité européennes, c'est impossible. Aucun local est approprié pour ça, mais aucun, même si c'est un resto ouvert. Et je pense que ça va être une... Pour lutter contre ça, ça va être dur, quoi. C'est vrai. Non, mais tu sens pas justement que c'est un peu le début de la France ici en Espagne par rapport à ces normes européennes. On va tous sur le même chemin. On sait tout savoir. Voilà. Ce qu'il faudrait resituer à nos auditeurs, c'est un peu la scène, parce que c'était assez génial. Il y avait les Saiyan Supakru qui jouaient en direct à la salle Apollo, juste à côté. En sachant que le théâtre, effectivement, est à moins d'une centaine de mètres de l'Apollo. Voilà, donc à la fin de la Rambla, dans le Born, pour ceux qui connaissent. Et donc, effectivement, un camion de CRS devant, et une fête géniale à l'extérieur également. Et une fête géniale à l'extérieur, parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu les gens dehors. Ceux qui sont sortis sont restés dehors. Et ceux qui sont passés par là, effectivement, sont restés aussi pour voir un petit peu ce qui se passait, mais aussi pour défendre un peu le projet. Donc, on aurait peut-être préféré qu'ils soient à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, mais peut-être que les choses ne se seraient pas passées effectivement de la même façon. Moi, j'ai trouvé les gens, en tout cas ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin, des gens très sérieux et très rigolos par rapport à ça. C'est pas des squatteurs et les choses qu'on voit écrites dans les magazines, comme quoi, effectivement, il y a des squatteurs et qu'il s'y passe des choses un peu... entre guillemets, pas bien, hein, parce que quand on parle des squats, on parle de drogue et on parle de tout ça, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque là, c'était dans un but complètement artistique, et puis c'était le fait de développer aussi un espace qui était inutilisé depuis des années pour en faire quelque chose, parce que j'imagine que le théâtre va être fermé encore pour des années, que, mis à part une destruction totale et puis un nouveau bâtiment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, tout ça. J'imagine que, enfin, en tout cas, je l'espère et je touche du bois, et que de toute façon, tous les gabachos qui nous écoutent, j'imagine, s'associent à ce projet et en tout cas se joignent à nous pour vous souhaiter beaucoup de courage, parce qu'il va en falloir. Mais justement, tous les gens qui sont envie de s'associer à ça, on ne va pas s'arrêter. On a décidé de ne pas s'arrêter. Ça a monté, ça a donné une énergie encore plus forte que ça avait. C'était le début, tout ça. Et là, on a convoqué pour mardi. On a été invité par l'association qui défend les Molinos. C'est une association qui travaille depuis des années pour pour la reprise des activités au Molino. Ils nous ont invités à jouer sur la place en face du Molino. Dans la presse, il est sorti qu'on va squatter le Molino et c'est pas du tout vrai. On va pas squatter le Molino. On a décidé de prendre la rue, que c'est une autre façon de demander un espace que maintenant à Barcelone, avec l'ordonnance civique, c'est vraiment très difficile d'y avoir. Donc on a proposé mardi à 17h, l'après-midi, on va faire un petit mélange de toute la programmation qu'il y avait pendant les 100 jours. Et il y a eu des gens qui se sont déjà rajoutés. Donc si on avait Ojos de Brujo et Paul Rivas qui venaient jouer, là il y a Manu Chao qui a confirmé qu'il va venir. Donc voilà, ça va rajouter encore plus de monde. Ça crée un fou quand même, Fernando, ce que tu nous donnes. Parce que là, autour de toi, personne n'est au courant de ça. Ouais, mais ça fait quelque chose. Mais ce n'est pas le plus important. C'est les personnes qui te donnent une certaine légitimité devant les publics, non, devant les grands moyens de communication qui cherchent ça. Mais le plus important, c'est que ça fait aussi une dynamique entre les petits groupes qui allaient jouer, que c'était le groupe promoteur de toute l'histoire, parce que c'est une histoire qui part des différents groupes, soit artistiques, soit qui travaillent sur ça, et après on en parlera un peu plus de tout ça. Et ça fait que, comme on doit faire une concentration de toute la programmation dans 100 jours et tout ça, ça commence à faire des mélanges très sympas. En fait, tu veux dire que c'est la culture populaire qui est en train de se regrouper, ouais. C'est bien ça, ouais. Et donc, puis que les gens se mélangent, surtout. On va avoir des concerts, on va avoir des performances, on va avoir des projections, il va y avoir un cabaret. Donc ça va être une soirée très, très, très pleine et très spéciale. Ça va commencer à 17h et ça finira assez tôt parce qu'on ne va pas faire un bottillon. On a décidé que ce n'est pas du tout ça qu'on voulait faire. Ça tient à l'idée originale. Exact. Donc vers 11h de l'après-midi au minuit, ça sera fini. On partira. D'accord. Le truc qu'il faut retenir en tout cas de tout ça, c'est qu'effectivement, ça sera donc à partir de 17h en place à Del Molino. C'est près du théâtre qui a été donc occupé vendredi soir. Donc c'est métro parallèle. Et donc c'est 17h, après l'heure effectivement à laquelle ça se terminera, on verra bien, ça sera la grande surprise justement, manifestez-vous, venez donc demain nous rejoindre et rejoindre toute cette équipe. Tu veux dire que c'est dans la rue quoi. Ouais, c'est dans donc la rue. Demain, on espère que la rue nous appartient toujours quoi, Fernando. Ouais, ouais. J'ai des doutes encore à Barcelone, mais voilà, c'est comme ça. Et surtout, c'est très important que les gens qui viennent, ils tiennent compte de la prochaine convocatoire parce qu'on va continuer. On est décidé à avoir un espace autonome à tout gérer pour faire de la création artistique à Barcelone. Et on veut ça, on veut un bon espace à Barcelone. On peut soit présenter toutes les activités ou tous les spectacles qu'on fait, mais aussi que ça soit un lieu de création, d'échange, de vie. C'est un peu ça que la Macabra est en train d'être revendiquée pour les problèmes. Alors justement, moi, ça serait juste une petite parenthèse qui êtes vraiment concentré là-dessus. Est-ce que avant d'ouvrir d'autres théâtres ou d'autres espaces inoccupés, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se concentrer sur ceux qui sont déjà ouverts et qui risquent de fermer? Tel est le cas pour la Macabra. Mais cette activité-là, c'est parti, justement, c'est pas parti que de la Macabra, mais c'était des ans et un de leurs revendications, c'est libérer déjà cet espace. Voilà, ouais, ça formait partie de toutes les revendications qu'on faisait. Et voilà, mais on croyait aussi que c'est pas assez, que Barcelone a besoin d'un billet alternatif plus fort que ça, que c'est l'image qu'ils sont en train de vendre à tout le monde, non? C'est Barcelone, un mélange, un métis, machin. Et s'ils sont en train de la vendre, pourquoi on peut pas le faire quand on le fait réellement, pas qu'avec la bouche, avec des discours. Tu vois, dans la presse, on a l'impression que la presse est en train de détruire. Tu parlais de la presse tout de suite. En lisant La Vanguardia, par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit que qu'ils disent qu'il y a une vingtaine de squats qui ont été virés, et c'est des réalités, et surtout qu'ils assimilent les gens allant dans les Casa Ocupada comme des toxicomanes touchant l'héroïne, c'est ce qu'on nous a donné comme info aujourd'hui. Ça paraît triste, parce qu'effectivement, manipuler la presse et les gens ici risque d'avoir des préjudices sur la culture prochaine à Barcelone. Ça, c'est les RG qui téléphonent. Ouais. Bah, t'inquiète, on va s'occuper d'eux précisément tout seul. Juste, alors effectivement, pour la Macabra, est-ce que vous avez des nouvelles de savoir un petit peu comment ça se passe? Parce que je crois que maintenant la décision a été prise, la Macabra va fermer. Ouais, mais ça fait un moment, ils ont présenté un contre-projet, ils revendiquent l'espace comme un lieu pour les quartiers, mais ils attendent toujours d'être virés. Et on ne sait pas trop bien quel jour ça va arriver, si on va l'annoncer, mais voilà, c'est important d'être là. Ils continuent avec la programmation, ça ne va pas s'arrêter pour ça. Donc vous pouvez voir sur Info sur pas ou Indimedia, c'est toujours affiché les cabarets, toutes les activités qu'il y en a. Voilà, il se passe plein de choses, hein. C'est comme on dit chez nous, les tailleurs. Donc plein d'ateliers, que ce soit de cirque, très connu, la Macabra au niveau cirque. Oui, il y a une bibliothèque aussi, il y a un marathon gratis, il y a plein de choses. Tout style de concert aussi, il y a un mélange culturel assez incroyable. Vas-y, Amanda, dis-moi. Je pense que surtout il faut penser que si la Macabra ferme, peut-être ça va fermer, il faut penser que c'est pas perdre une lutte, c'est juste changer une autre lutte et recommencer un autre truc, recommencer un autre projet. Je pense que chaque fois on est plus de gens motivés pour squatter, parce que c'est impossible de vivre dans une ville comme Barcelone pour des étudiants, pour des gens du spectacle. Donc c'est pas, même si ça ferme, chacun a eu son expérience sur la Macabra, chacun on a appris à fonctionner d'une manière en communauté et tout, et si ça ferme là, on ira à un autre endroit. Il faut pas penser que ça va nous arrêter. Et moi, je veux dire un truc sur ce qui se passe avec le théâtre. Sur les premières réunions, on était 10 personnes. Mm-hmm. Et là, pour le projet de demain, on est 60 personnes. D'accord. Je veux dire, la semaine prochaine, on sera 170. Voilà. Et puis dans un mois, on sera plus que les keufs dans la rue, donc on se débrouillera. Ça représente du monde. Demain, ça va être la fête. Et puis, hein. Voilà, dire que le théâtre, ça n'a pas été une perte. Ça n'a pas été. C'est juste. Voilà, on va continuer, et c'est pas perdre quelque chose, c'est juste apprendre sur ça, comment fonctionner, et maintenant lutter encore plus. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Hein. Non, on présente, demain on dit que c'est un entr'acte, je sais pas si ça se dit en français. Entre deux spectacles, il y a un petit truc pour pas qu'on se relâche trop, et on va pisser, on s'oublie qu'on est là. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'on fait demain. On fait un entr'acte et on va continuer. D'accord. On va re-occuper. Quand ils en auront marre de voir des comédiens dans la rue, de la musique, ils se diront peut-être qu'il faut ouvrir des lieux pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Ouais, peut-être qu'un jour, la logique policière ira jusque-là. Attention, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a un bon vieux proverbe qui dit, avant de se retrouver dans deux petites minutes, partir pour mieux revenir. C'est tel est le cas de ce que vous êtes en train de monter, de tout ce que vous faites ici pour garder les squats et l'alternativité ici à Barcelone. On revient dans un petit instant, on va faire une petite pause avec nos amis Berrurier qui avaient fait justement un petit son là-dessus, sur les squats. Ainsi squat-t-il ? Voilà. Et là-dessus, on va écouter ça. Je pense qu'il y a des choses à effectivement écouter de la part de nos amis Berrurier. Ouais, souvent fauché, toujours marteau. Exact. Et... Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde. Merde. Ah oui ! Monde de merde. Yes. Extrait de l'album des Béhorriers. Toujours Fauchet, toujours Marteau, tel est notre cas ici même, notamment pour la Cultura Riblée, l'association dont on parle dans deux petites secondes. Ah, ça y est, il n'y a plus de jingle, il n'y a plus rien. Qui oublie ce qui se passe chez eux? Moi, j'oublie ce qui se passe chez vous. Vous êtes sur Radio Contrabanda, il est 22h, 91.4, c'est la fréquence sur laquelle vous nous écoutez. Un numéro de téléphone, on ne peut toujours pas vous le filer. Par contre, il y a une adresse à internet, www.contrabanda.org. Grâce à ça, d'ailleurs, vous pouvez écouter en direct ce qui se passe, que ce soit en France, en Australie, puis aux États-Unis, puisque je sais que notre ami W. Bush nous écoute tous les lundis à partir de 21h30. Ça nous fait vraiment plaisir, d'ailleurs. Au passage, Biba il America. Il s'élève, hein, il s'est en pleine nuit avec le décalage horaire. Ouais, ouais. Mais effectivement, il est là. Il fait que ça en même temps. Hein, c'est son seul moyen d'information, c'est écouter les gabachos de Radio Contrabanda pour savoir ce qui se passe. Puisqu'on va revenir rapidement avec Amanda, et puis avec Fernando, et puis avec nos deux amis qui sont là aussi en studio, dont on n'entend pas beaucoup la voix, mais ils sont bien là. Hein. Il y en a un qui a une guitare dans les mains, qui attend qu'une chose, c'est de faire un jingle. Et ça ouais. va venir, Philippe. Hein. Ouais, ouais, non, mais je ah, ça, pas, ça va être total impro, comme justement ton jingle dans la platine, tu gères. Hein. Tu vas avoir ton quart d'heure de gloire, tu vas voir, tout à l'heure. Wow. Ici sur Contrabanda. On finit là-dessus justement pas, pour vous donner. Ah bah ça je sais. D'ailleurs, tu as une petite info concert dont tu nous parlais en ouais. antenne. Ah peut-être. Ouais. Alors vas-y, on t'écoute maintenant. Alors eh bien, mercredi, il y aura un concert en fait pour la collectivité zapatiste dans le Raval. C'est Cahier Angels au numéro 1. Et en fait, il y aura des écrivains de livres sur la cause zapatiste. Il y a des gens qui ont fait des documentaires, je pense. Il y aura Louis Sillac, le compositeur très connu catalan. Qui sera là parce que je crois qu'il a fait un livre aussi. Il y aura Manu aussi qui va venir voilà, jouer les morceaux. Et en fait, l'affiche est arrivée à 7h là ce soir. Et donc, voilà. Les bons plans, comment t'as chopé ça t'as... Ben, en fait, j'ai vu l'affiche arriver et c'est pour ça que j'en parle parce que bon, c'est quand même une cause qui est intéressante. C'est l'autogestion, l'autodétermination. Quoi, et voilà. Et voilà qu'acte civique. D'accord, tu nous dis c'était Calier Angels. Calier Angels au 1. C'est vrai. Alors, c'est IES. Après, je ne sais pas ce que c'est, l'IES en fait, en Espagne. Ouais. Mais IES, ça s'appelle. Et ça va être collectif. Premier escalier. C'est ah lycée, voilà, ouais. Donc des, voilà, donc c'est dans un collège ou dans un lycée alors. J'imagine que le lycée ça va être dans les normes de propriété. Ouais, ouais, ouais. Il n'y aura pas la police en face. Tu vois. Et donc voilà, donc il y aura une soirée zapatiste en fait pour la cause zapatiste, quoi, en faveur de la cause zapatiste. Mercredi à partir de 19h30. Ok. Cahier Angels au 1 dans le Raval. On va sortir nos vieux t-shirts rouges à étoiles. Hein ouais, quand même, et un bon vieux chapeau là. Ouais, bon, donc n'oubliez familles. Pas, vous avez des choses à faire dès demain à partir de 17h, donc c'est à Plaza del Molino. Et puis mercredi, donc 19h30, au Calier Angels, au numéro 1, c'est IES. Allez voir là-bas ce qui se passe, nous on y sera en voilà. tout cas. On termine là-dessus justement. Est-ce qu'on peut filer un lien de l'association, donc la Cultura Riblée? C'est un groupe qui s'est formé. Un collectif de gens. Des gens. Et voilà, au début, ça part de l'initiative, ça part des différents groupes qui travaillent sur les sujets culturels à Barcelone. Et on peut citer Controli, que c'est un collectif qui travaille la précarité des gens qui travaillent pour tout ce que c'est la culture, soit dans les musées, soit dans visites et tout ça. Donc, c'est un groupe qui sort de travailler au MACBA, que c'est un comment on dit? Putain, c'est parti, hein, ouais, le français. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un jeu, tu vas le dire en espagnol et nous on va traduire. Non, mais c'est un lieu assez important pour la vente de Barcelone comme un gadget culturel. D'accord, c'est bien sorti. Pas mal. C'est bien. Donc, c'est des gens qui travaillaient au MACBA, ils ont été complètement exploités pour ce lieu qui s'est dit soi-disant de gauche ou des cultures alternatives, machin. Et la revendication, c'est parti de là. Et ils ont fait un bon critique, je crois, à toute cette industrie culturelle. Donc voilà, ça c'est Control I, et ils sont un blog aussi, vous pouvez chercher sur l'internet, c'est assez intéressant toutes les infos qu'ils font sur les lieux culturels de Barcelone et les conditions de travail. Et il y a des photos aussi, Fernando, quand même, hein. Il y a toute l'actualité qui s'est passée justement au théâtre. Ah ouais, ça c'est sur les blogs du théâtre. Voilà. Là. C'est sur le blog du théâtre. Ça c'est autre chose. On le pèle mieux que moi aussi. Ouais, t'inquiète. On est perdu dans les blogs. C'est vrai que la communication maintenant ça va très vite, même pour le côté alternatif. C'est assez intéressant, hein, justement par rapport à ça, au CPE, comment l'info est arrivée ici en France. On va revenir là-dessus parce que effectivement, Fernando, t'as vécu à Montpellier, t'as vécu à la française. On a Amanda ici présent aussi. Qu'on a pu traduire, hein, on parlait de traduction tout de suite. Elle traduit, pourrait mieux traduire en espagnol, à voir. C'est clair. Et, bah, juste au passage, hein, puisque c'est une question que, récurrente ici dans cette émission, quand on reçoit des Français, puisqu'on reçoit essentiellement des Français dans cette émission. Toi, pourquoi Barcelone et pourquoi pas Zaragoza, puisque tiens, monsieur est de Zaragoza. Pourquoi Barcelone? Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as décidé d'émigrer, devenir une résidente catalane ici? Alors, Barcelone, je sais pas. Ça, je sais pas ça, pourquoi. C'est l'interview perso. Depuis que j'étais toute petite, j'ai voulu venir ici. J'aime parce qu'il y a vraiment du monde alternatif. Il y a le monde du spectacle, il y a le monde des gens qui luttent un peu. Et je sais pas. Et c'est une belle ville. Moi, je voulais aller dans une grande ville. Je trouve ça une belle ville avec la mer, la montagne. Tu as décidé de passer la frontière. Voilà. Tu t'es dit plutôt que d'aller à Toulouse, je vais aller à Barcelone puisque t'es de Pau. Voilà. C'est marrant voilà. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de. J'ai rencontré 5 ou 6 personnes depuis quelques mois ici qui sont de Pau. Et qui viennent, ouais, qui sont venus ici à Barcelone s'installer définitivement. Donc nous qui sommes du Nord, enfin moi qui suis du Nord et de la capitale, je me disais souvent, les gens du Sud, ils ont quand même un rythme de vie, un quotidien qui est forcément meilleur que le nôtre. Et puis en fait, je m'aperçois du contraire, c'est qu'arrivé ici, je m'aperçois qu'il y a aussi beaucoup de gens du Sud, notamment des gens de Nîmes aussi, ouais. Au passage, un petit clin d'œil à mon ami qui est à côté de moi, qui vient de Nîmes et puis de Béziers, también. Voilà. Et donc, effectivement. Ce qui serait intéressant, justement, c'est de savoir un peu ton parcours. T'as déjà participé au milieu culturel par chez toi, justement. Quand tu disais que tu faisais du cirque, t'avais déjà commencé à bosser quelque part là-bas ou c'est vraiment ici que ça s'est passé? Je faisais du théâtre et là, ça a commencé ici. Ouais. Ça s'est développé ici. Ouais, voilà. Donc, sentais de toute façon que ça allait être à Barcelone, qu'il y avait certaines choses allaient se passer. Ouais. Et pas à Pau. Pas à Pau. Ouais. Parce que par le basket, à Pau, qu'est-ce qu'il y a à Pau? Si, il y a une association hyper militante. Quand même, qui s'appelle Anaram Aupatak, et ce sont des militants occitans, ils sont de Pau, et ils organisent des concerts, et ils se bougent vraiment pas mal quand même, depuis quelques années. Oh. Et tu les connais pas? Non, parce que non. Ça fait quand même longtemps que je suis partie de Pau. Et voilà. Ça fait 2 ans que je suis à Barcelone, mais avant j'étais en Aragon, dans un village par là. Ah ouais, t'étais déjà dans le pays alors. Et donc en fait, t'as bougé et je sais pas, t'es peut-être arrivé ici un peu énervé, vénère de la France. Et tu t'es dit, moi j'ai envie de me bouger ici à Barcelone parce que je sens qu'il y a de l'énergie, des gens qui ont vraiment envie de prendre les choses en main. Ouais, bon, j'ai passé beaucoup d'années à Aragon, depuis que, quelques années quand même. Et en fait, j'étais à Huesca, petite ville où ça bougeait pas du tout. Des gens assez fachos et tout ça, et j'ai vraiment eu envie de bouger, de connaître du monde, de connaître une autre forme de vie. Donc voilà, je suis arrivée là. Donc tu t'es retrouvée ici à Barcelone. Exact. Mais je pense que là, il faut vraiment lutter parce que sinon, ils vont nous couper toutes nos libertés, je pense. Bah, c'est bien parce qu'on s'aperçoit quand même que, enfin toi qui as un point de vue un petit peu extérieur, j'ai l'impression quand même que les Français qui sont ici, en majorité, en tout cas ceux qu'on a l'occasion de voir régulièrement, c'est des gens qui se bougent vachement pour essayer de continuer à garder justement l'intégrité de Barcelone, le côté alternatif dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines avec nos amis musiciens, qui sont quand même les victimes premières aussi dans la rue, puisque la police maintenant a voté des lois qui interdisent la musique dans la rue, qui contrôlent les musiciens qui jouent. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas et qui, au fur et à mesure, effectivement, prennent de plus en plus d'importance. Et le côté alternatif de Barcelone, pour les gens qui sont là depuis un moment maintenant, c'est quand même, ça commence à devenir un petit peu difficile. Et c'est vrai qu'il y a la comparaison systématique avec ce qui se passe en France, puisqu'on est parti peut-être pour la plupart de France parce qu'on avait un malaise ou des choses qu'on n'acceptait pas ou qu'on ne voulait plus voir, etc., etc. Et qu'en fait, on retrouve plus ou moins un petit peu ici. Et est-ce que les Français, toi, Fernando, qui a un point de vue un peu extérieur, tu trouves qu'ils se bougent un peu le cul beaucoup plus que les autres ici? Ouais, moi, je trouve que... Non, mais sans déconner. Je surtout que... pour voir, comme tout le monde. Ouais, écoute, tu sais, Laurent, c'est peut-être des gens qui sont arrivés il y a 2 ans et qui sont venus chercher des choses qui veulent retrouver parce qu'ils ont connu des bons moments il y a pas si peu de temps. Et là, c'est vrai que les Français ont pris une claque. Mais je pense que aussi, c'est parce que ça dépend de l'ambiance où tu te bouges. Tu vas connaître des Français cool si tu te bouges dans une ambiance qui bouge et qui essaye de bouger. Et si tu te mets dans une ambiance à la con. Mais je dis ça par exemple. Il y aura plein de Français aussi. J'ai été étonné de voir autant d'associations tenues et ouvertes. Par des gabachos qui sont venus à Barcelone, qui se sont posés machin, c'est pour ça que je disais ça. D'accord. Et que quand je disais se bouger le cul, c'est dans ce sens-là, hein. C'est dans le sens où je suis des choses. Moi en général, je sais pas si c'est pour ça, c'est pour les lieux, pour les personnes que je fréquente, mais franchement, je crois que toutes les personnes français, italiens et d'autres pays qui viennent, J'ai senti qu'on vient ici pour faire des choses. Bon, moi, je viens d'une petite ville aussi, donc je ne suis pas venu à la grande ville pour faire un billet à la con. Non, je suis venu ici pour faire des choses et pour essayer de changer les choses qui ne me plaisent pas. Et parce que je crois qu'ici, on a une puissance un peu plus forte, non ? Parce qu'on est plus. Mais voilà. C'est un peu comme ça. Justement, par rapport aux Italiens, Fernando, on a l'impression qu'ici, les Italiens se bougent aussi et qu'il y a, il y a eu un recul par rapport à Berlusconi et qu'il y a eu une fuite de leur pays également. Ouais, mais là, moi, j'ai des bons copains italiens, ils sont en train de vivre une situation mais vraiment dramatique, très difficile. On n'en parle pas, on n'y croit pas, on dit ça. Mais j'ai des amis qui se considèrent des exiliés politiques d'Italie parce qu'ils se sont dit c'est impossible de vivre dans un pays gouverné par un con comme lui. Que là, il est en train d'être à 50% parce qu'aujourd'hui, c'est les élections en Italie. Et on ne sait pas encore s'il va continuer 5 ans. Et c'est incroyable. La triste nouvelle, c'est qu'effectivement, en fin d'après-midi, ils annonçaient que la gauche passait devant dans les sondages. Et que, aux dernières nouvelles, dans les quelques minutes qui ont précédé cette émission, Berlusconi avait quand même beaucoup plus de chances de passer. On ne sait pas encore. Ils sont donné des cours répressifs hallucinantes en Italie. C'est vraiment, ils sont finis avec tout que c'est le côté revendicatif. Depuis Genova. Après Gênes, ils ont commencé à vraiment à l'effort. Et je crois qu'on n'en parlait pas. Et ici, en plus, à Barcelone, on crée des discours qu'il y a des anarchistes italiens qui viennent ici pour foutre la merde, machin. Et tu te dis, mais voilà, c'est des gens qui viennent partout. Et c'est des gens qui viennent avec l'envie de faire des choses parce que dans son espace naturel, c'est tellement difficile. Voilà, il se casse. Et comme nous, si c'est on continue comme ça, on va devoir se casser ou aller en prison. Et moi, j'ai pas envie d'aller en prison. On invitera un Italien, ça serait sympa, ou une Italienne. Hein. Bah, pourquoi pas, si tu parles français, Julia, par exemple. En fonction des résultats, on verra bien. Et puis effectivement, ça serait aussi intéressant d'avoir le point de vue des gens les plus concernés, à savoir les Italiens, en fonction des résultats donc, qu'il va y avoir au niveau politique avec Berlusconi en Italie. A priori, ça devrait pas tarder. Donc, à voir la semaine prochaine, effectivement, on aura peut-être plus d'informations à vous donner là-dessus. Vous pouvez être français tous les deux, vous avez donc forcément entendu, puis toi, un des principaux acteurs aussi là-dessus, ici en Catalogne, puisque tu nous as envoyé un mail avec plein de belles choses et puis des initiatives à prendre concernant le CPE et de tout ce qui s'est passé depuis 12 semaines maintenant en France. Donc, Villepin qui avait effectivement fait ce projet de loi qui a été officiellement retiré aujourd'hui par le président de la République. Ça s'est passé ce matin à l'Elysée. Hein. Il l'a reçu à 8h30 du mat, le ouf. C'est l'heure à laquelle je me couche, il me malade, il bosse à cette heure-ci. Même avec ses lunettes, il arrive à voir quelque chose à 8h du mat, Chirac. Ouais, mais il y avait les sons d'automne qui ne marchaient pas et ça a foutu le bordel, ils n'ont rien capté. Bref, bon, ça a duré plus longtemps que prévu, toujours est-il que le CPE est donc définitivement retiré. Par contre, donc, c'est l'UMP qui va s'occuper de réécrire un nouveau projet concernant. Imagine la vanne. Le CPE, ouais, ça fait marrer Philippe. Philippe qui va nous interpréter dans deux petites minutes justement une chanson concernant le chef de l'UMP, puisqu'il a écrit quelques belles paroles là-dessus, et puis concernant surtout la situation en France et nos amis étudiants. Donc ça a été définitivement retiré. Vous avez suivi un petit peu, toi Amanda, quel est ton point de vue là-dessus, sur ce qui s'est passé? Est-ce que justement t'as pas été rassuré de voir que les Français se mobilisaient, qu'enfin ils se faisaient peut-être pas marcher sur les pieds, que ça a été jusqu'au bout, ils ont réussi à faire retirer ce projet de loi? Mais c'est pas, ils sont pas allés jusqu'au bout encore. Hein. Non, c'est pas fini. Il y a le capitalisme en France encore, et dans tout le monde. Ça, on n'a pas fini. Il faut aller jusqu'au bout. Hein. Ouais. Mais effectivement, donc demain, les étudiants vont être amenés à continuer à faire une manifestation. Donc tous les étudiants de France seront dans la rue demain. Même si le projet de loi a été officiellement retiré, ils seront donc dans la rue demain. Étudiants français qui nous écoutaient par le biais du net, ça va se passer près de chez vous. Il faut continuer à aller dans la rue, il faut continuer à défendre ses idées. Oui, mais surtout parce que ça va pas finir avec la précarité. Je crois que les situations, ils sont assez difficiles déjà. Mm-hmm. Pour pas continuer à protester, pour laisser mourir un mouvement si fort pendant 2 mois, c'est le moment de continuer, d'aller plus loin, de faire tomber le gouvernement et de demander de vraiment un changement de cette société d'exploitation où on vit et que c'est incroyable et invivable. Et je pense que c'est un peu dans la logique, dans cette logique-là, que les étudiants vont être amenés demain à continuer à manifester en France, même s'ils se sont battus pour ce projet de loi. Je crois qu'ils vont quand même aller encore un petit peu plus loin essayer de ne pas faire en sorte de se faire marcher sur les pieds avec un nouveau projet. Ouais, et là, il ne faut pas écouter les syndicats et tous les partis politiques qui se disent de gauche et qui sont en train de demander le retour à la normalité, à la calme, de présenter ça comme une victoire. parce que c'est, voilà, c'est un petit victoire, mais la guerre, c'est pas encore fini. Exactement. Enfin, on a pu voir en tout cas un paquet de trucs insolites hein, sur Paris. Bah, des sabotages, des prises de force de gare, des centres d'ANPE qui ont été complètement vidés. Périphérique. Le périphérique, effectivement, les gens qui rentraient à pied, c'est bien ça. Enfin, plein de choses et... Enfin, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir la réaction des étudiants. Il y avait des chômeurs, il y avait des plus de 26 ans aussi. Ceux qui n'étaient pas forcément concernés par ce projet ont été amenés à manifester dans la rue par solidarité. Et non, il y avait que des étudiants. Il y avait vraiment un grand mouvement social. Parce et ça, ça s'est très bien développé dans ce sens-là. Hein. On parlait d'élite, etc. Là, il n'y en a pas forcément eu, même si certains continuaient à dire qu'ils n'en avaient rien à foutre et compagnie. Peut-être que dans quelques années, ils seront bien contents d'avoir compté sur les autres pour manifester à leur place. C'est comme ça que ça se passe, hein, généralement. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est à suivre, effectivement, là aussi. Donc, une manifestation donc, pour les étudiants et autres, des gens qui nous écoutent en France par le biais du net, puisqu'il y en a. Voilà, ça se passe dans la rue. On va t'écouter, Philippe, parce que je pense que tu peux résumer ça en musique et ça sera vachement mieux que nous entendre parler. Alors là, c'est bien dit. Ça, c'est résumé. On t'écoute, Philippe, on t'écoute. Allez, Philo, c'est parti. Pam pam pa pa de yu di dum pa na nom ton e yu dam da dum pa pa pa pom pam pam pa pa de yu di dum pa na nom ton e yu dam da dum pa pa pom. L'hexagone est plein de gavroches, de jeunes donnant dans les quartiers ce que certains nomment sales gosses qui n'ont que la rue pour exister. Ils sont pas plus méchants que d'autres, non, ils cherchent juste à se trouver. Certains ont l'âme d'artistes qui n'ont que la rue pour exister. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jouer dans la rue est interdit. Bientôt faudra la permission pour parler d'évolution. Alors, pam pam, papodé, yodé, dom panano. Pom ano, té dodan, papapapom. Pam pam, papodé, yodé, dom panano. Donné, yodé, dodan, panoudon. D'autres encore s'inventent des rondes, fait d'humanistes sans frontières. Et bien souvent, ils vagabondent en saltimbanque sur la terre. Ils sont même plus heureux que ces autres, qui vivent sans curiosité, sans partager les bonnes ondes, qui n'ont que la rue pour exister. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jouer dans la rue est interdit. Tu peux même plus t'exprimer. Quelle putain de société? Alors, pam pam, papodé, yodé, dom, panano. Donné, yoné, nona, pa, pa, pa, pam. Pam, pa, pa, po, de, yo, de, dom, pa, na, na, non. Donné, yo, de, do, dan, da, do, don. La viticulture, c'est pas mieux. Le CPE, enfin, foireux. Les intermittents en galère, le patronat, ça l'indiffère. Les étudiants, c'est pas mieux, le CPE, enfin foireux. La viticulture, toujours galère, encore les mêmes que ça indiffère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toute la France ressemble à Paris. Même le Sud devient grillé, c'est la France à Sarkozy. Alors, pam pam, papodé, yodé, dom, panano. Noné, yonanana, pam pam pam pam. Pam pam pam pore yo ne nom ta na no donne yo na no na na no. Quand le pouvoir va à l'argent, il nous reste que les centimes. Quand les gens ne sont plus vivants, la culture fait mauvaise mine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le ciel vraiment s'assombrit. Très peu de gens sont vivants, c'est la faute au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toute la France ressemble à Paris. Même le Sud devient gris. C'est la France à Sarkozy. C'est la France à Sarkozy. C'est la faute à Sarkozy. Max, mon ami, je crois que je suis sur la bonne voie. La bonne idée, c'est la musique. Les jeunes adorent ça, ça cartonne. Mais tu me dis ça à moi, alors que justement ce soir, je donne un concert. Bah, je ferais bien de te préparer, parce que c'est dans pas longtemps. D'autant plus que t'as rendez-vous avec Piccoli Piccolo. Eh ben, tu vois, ça me fait bien plaisir de le revoir, ce vieux Piccoli Piccolo. Love. Love. Love is the answer, ok? L'amour est la réponse à tous. Est-ce qu'il y a de l'amour ce soir, ici? Thank you. them. They don't hate any longer, believe in the mighty power of love. They don't believe that love could heal any broken heart. They don't believe that love could heal anyone in soul. Oh Lord, that's why I beg you, brother, you who know what life is worth, you who know the power to love, I say just feed them with love now. Lord, give them, hey, even just a little smile. Cause somebody ever told me, when the pain is getting stronger, take a smile and put it all over your face. Smile to the pain, smile it away now. Oh, smile it away, smile it away now. Oh Lord, and we say, give them love and caring, give them love and understanding, give them love and sharing, give them love and protection. It says, give them love and guidance. Protection, oh protection and love. Hey, give them love, love, love, love. Love is the answer. but I, it's a lie. Oh Lord, don't believe what those who tell ya. You better than your brother, it's a lie. They want to make you believe that your complexion better. They want to make you believe that your way of life is better, Lord. Avant de donner la parole dans deux petites minutes à nos amis issus des soirées alternatives, les Free Party, Tuff, Artek, Jungle, Drum and Bass, c'est ce que vous allez entendre dans un tout petit instant sur Radio Contrabanda jusqu'à 23h30 avec les Gabachos, votre programme français comme tous les lundis. On va finir avec nos invités qui étaient là et qu'on va remercier d'ailleurs d'être passés ici, de parler de tout ça, puisqu'on en avait besoin. Oui, on peut finir avec le groupe qui organisait ça, qui était au début, parce qu'après, il y a plein de monde qui s'est rajouté, et on a envie aussi qu'il y ait plein de monde qui s'est rajouté encore, et il ne faut pas appartenir à aucun collectif artistique, il n'y a pas besoin d'être un artiste, il faut juste avoir envie d'avoir un espace libre à Barcelone pour la création. Donc voilà, il faut ouvrir les oreilles demain soir, parce que j'imagine qu'on va annoncer la prochaine convocatoire. Et vous pouvez regarder sur Indymedia Barcelone aussi, et l'adresse est barcelone.indymedia.org. ORG. D'accord. Et voilà, ça continue, on ne va pas s'arrêter. On a envie qu'il y a plein de monde qui se rajoute, qu'on sera plus fort. C'est comme ça. D'accord. Il n'y a pas une autre façon d'être plus fort. Support média aussi pour avoir des infos, donc Indymedia effectivement, et puis il y a le blog aussi pour donner peut-être un peu plus d'infos en images, puisqu'il y a beaucoup de photos de ce qui s'est passé vendredi soir donc au théâtre à parallèle. http://, c'est cultural Jure en catalan, 2LIURE.blogspot.com, je vais la refaire, http://cultural Jure. .blogspot.com, voilà, donc un petit avant-goût de ce que vous pourrez avoir aussi, et des acteurs qui seront là aussi demain, j'imagine. Donc 17h, ça sera donc Plaza del Molino, et soyez-y, s'il vous plaît. on vous ordonne d'y aller. Cette fois-là, le spectacle ne sera pas coupé. Il ne sera pas interrompu. On espère. Et ça va continuer très longtemps, cet spectacle, parce que nous, je crois qu'on est resté un peu dans l'ambiance de vendredi soir, et on continue avec cette énergie-là que ça te donne la scène. Exact. Que ça te donne monter sur une scène et partager quelque chose avec les autres d'une façon horizontale et sincère. Ça, c'est vrai. Donc, venez avec le sourire et puis plein d'énergie, de bonnes ondes. Hein, et venez pas donc avec vos bouteilles pour vous tâter devant les forces de l'ordre et jouer les grandes gueules, mais venez donc avec le sourire. Voilà, c'est ouais, déjà ouais, pas mal. C'est ça. C'est la plus belle arme qu'on puisse avoir. Tu vas voir, ça va l'air calé. Un mec qui te monte sa matraque et tu souris, tu lui fais c'est qui a gagné. Bon, juste pour l'info au passage, une petite info puisque mon collègue est pas là. Hein, pour, je crois qu'il est parti chercher nos invités qui arrivent dans deux petites minutes. Il y a une info qui est sortie donc à Londres dans un New York qui s'appelle The Times. Vous connaissez The Times, j'imagine, de nom en tout cas. C'est un journal bourgeois. voilà. Qui est sorti à Londres. Et figure-toi que ça s'est passé donc en Irlande du Nord. Il y a un professeur qui est donc scientifique, qui a fait une étude et qui vient de révéler les résultats de son étude donc dans The Times, le journal. Et sur le quotient intellectuel des Européens. Donc ça va peut-être vous faire marrer. Moi, sur le moment, j'ai rigolé. Je me suis dit, c'est peut-être pas sérieux, etc. etc. Et est-ce que vous voulez connaître un petit peu le résultat, de savoir quels sont les plus intellos en Europe ici, là? Ça va vous faire marrer. Je vous demande de deviner. Je vous demande de deviner. Et puis après, je vous dirai pourquoi. Parce qu'il a donné une explication à tout ça. D'accord. Alors, pour toi, le pays européen le plus intelligent, qui a le quotient intellectuel le plus élevé? Les plus saines. Moi, j'y crois. Ils sont tous assez. Ils sont tous un peu limités, mais c'est pas grave. Ouais, limités, moi, je dis. Je crois qu'il y a une limite à l'intelligence mondiale pour supporter ce système d'exploitation qu'on vit. Ça, on est d'accord. C'est pour ça que je le sourire. Dis-moi. Alors, un pays européen qui, pour toi, est plus intello que les autres. Moi, je dis que c'est. Hollande. Albanie. Non, ouais. C'est pas l'Albanie, c'est plus au nord. Je vais vous donner des explications parce qu'il y a des explications climatiques, hein, tout ça. Tu disais quoi toi, Amanda? Moi je disais l'Hollande. T'es pas loin parce que je crois que les Hollandais sont deuxième ou troisième derrière les Allemands qui sont donc premiers, les plus intelligents de l'Europe. Donc ça c'est selon une étude scientifique. Attention, moi je me prononce pas, je dévoile juste l'information. Hein. Il paraît que les Anglais arrivent à la 8e place et les Espagnols à la 15e. Oh. Et les Français à la 19e place. Ça fait marrer, on est 25 en Europe. Hein. Donc nous qui jouons les Mac et qui sommes plus intelligents que tout le monde, on parle du chauvinisme un peu français, etc. Ça se révèle dans les résultats. Donc il faut savoir que les Hollandais, les Polonais, les Italiens, les Suédois et les Allemands sont effectivement dans les premières places. Et tout simplement, est-ce que vous connaissez... Fernando, tu m'écoutes ou tu regardes ce qui se passe? Oui, je t'écoute, on écoute. Il y a des gens qui bougent. Ouais, c'est lui à qui je parle ce soir. C'est la fatigue de ces trois jours. Voilà, là, t'en peux plus, là. Donnez l'explication de tout ça. Et en fait, les différences de QI seraient dues tout simplement donc en fonction des populations qui sont soumises à des climats plus ou moins froids dans le nord de l'Europe. Ils auraient développé de ce fait-là un cerveau un tout petit peu plus volumineux, ce qui leur permettrait d'être un tout petit peu plus. C'est pour la chaleur, pour pas que ça te. Je sais pas. Mais la merde. Effectivement. Non, je crois que c'est le protestantisme qui a développé la culture de l'argent beaucoup. Ça, c'est possible. Et j'imagine que cette étude-là s'est faite sur la culture de l'argent. Les gens plus intelligents, c'est les gens qui gagnent plus d'argent, machin, et tout ça. Et c'est clair, non, que les Allemands, ils se donnent les plus intelligents pour ça. On est d'accord. Ça, c'était pour la petite info. Hein, donc, prenez ça au second degré, au premier degré, comme vous voulez. Toujours est-il que voilà. Donc, nous, on n'est pas très élevés intellectuellement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission tous les lundis à 21h30. Et ce, jusqu'à 23h30. Las Gabachos Banda, c'est le nom de cette émission sur le 91.4 et sur Radio Contrabanda surtout. Alors, on n'est plus seul puisque quelqu'un est venu nous rejoindre. On est là. Vous êtes on vient d'arriver. Écoute, Lorenzo. C'est physique, hein. Bah ouais, parce que c'était le speed, effectivement, comme d'hab, comme chaque lundi à la même heure, il faut aller chercher les invités et un petit tour, aller jeter un coup d'œil dans la rue, les palmiers et tout ça. Donc, Koulos, on est monté en speed. On a un peu essoufflé. Il y a Guillaume qui est là. Il y a Yuri aussi. Et Guillaume qui va venir s'installer aussi. Bien sûr. On vous attend, les gars. Guillaume, tu vas venir un peu nous causer parce qu'effectivement, on a débusqué des Français. Du milieu tech alternatif, mais vraiment de tout début, des pionniers, des vieux de la vieille, qui sont toujours là, d'autres qui ils s'organisent, tout ça. Voilà, donc Yuri qui est de Tasmaniac, sur ma gauche, qui est espagnol. On va parler espagnol, tiens, Lorenzo. Ah bah, on va parler espagnol. Ah bah ouais, on va parler espagnol. Okay. Il est Tasmaniac. Lo siento, pensaba que hablas francés. No, que va. Non, lo siento, okay, ahora, voilà, donc les activistes, tout ça du milieu de la tech, on démarra en fait avec un bon petit scud des familles. Je pense à Willy Mann, Lorenzo, pour marquer le coup quand exact, même, en hommage. Rappelons que le temps de ma santé, on a écouté les Météchaux qui ont splitté à l'instant. C'est un groupe dub, effectivement. Donc on parle un peu de tech, dub et compagnie. Ce soir, c'est bien underground, bien boosté. Et voilà, fallait souligner. Donc, on va écouter un petit Willy Mann. Lorenzo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je veux bien, ok. Ça va enchaîner, mais ça va enchaîner aussi, attention. Sur. Ah, sur monsieur. Wouh! Yeah, Contrabanda! El dueño de la casa, la ambiente, la ocupa, hombre! Somos los locos de la calle! En una puta ambiente! Ahora se acaba, por favor. Ok, on y retourne. L'espagnol, hein, t'aimes bien, hein. Tous les styles ce soir, toutes les ambiances, putain, jingle, imprévisible, plus ou moins. Voilà. Et puis après tout ça, on va revenir effectivement donc, avec Guillaume et puis avec notre représentant de Tasmania qui est avec nous. On va parler donc de jungle, de hard tech, de free party, de teuf, de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Effectivement, ouais, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, hein, attention, hein. C'est comme ça qu'on m'a vendu ce qui va se passer dans un instant sur Radio Contrabanda. Juste le temps pour nous de nous mettre d'accord, Guillaume, sur ce qui va se passer dans un instant alors. A tout de suite sur Radio Contrabanda. You know. 30 sur Radio Contrabanda. Vous allez entendre dans quelques petites minutes de la musique électronique. On va parler de tout ça avec nos invités qui viennent de nous rejoindre en studio. Vous êtes sur Radio Contrabanda, il est 22h40. Alors Guillaume, toi qui viens de nous rejoindre, on n'a pas entendu cette voix douce et sensuelle qui est la tienne, Guillaume. Voilà. encore plus près du micro, tu verras, ça marchera mieux. Bonsoir à tout le monde. Comment tu vas ? Bien. C'est toi qui as ramené ce son-là ? Non, mais c'est un pote à moi qui mixe ça, oui. C'est un pote à toi qui mixe ça, donc comment tu... quel genre de musique c'est ? Ça, c'est de l'acide. De l'acide ? Ouais, sans problème, c'est de l'acide. Et c'est quoi ? C'est des ainsi, oui, rien à voir, et c'est son pote qui mixe, et c'est incroyable parce que la magie de l'émission, c'est qu'on invite des invités qui arrivaient sur place, ils se mettaient là, toi, et voilà, et donc effectivement, tout le monde se connaît, c'est assez sympa. Ouais, donc c'est toi, Yuri, qui a apporté le CD ici. En espagnol, c'est très bien. Lo siento, lo siento. Puedes traducir para mí, por favor. Puedes traducir. Vale, soy el traductor oficial de la emisión del programa, vale. Vale, entonces, queremos saber, claro, porque al final es tu disco, el disco que me tragaba antes. Uh-huh. Y entonces, ¿conoces bien, como decir, Tasmaniac? Porque tú has colaborado antes con ellos. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el DJ que está pasando? ¿Están amigos tuyos que mixan, que pitchan? El CD que escuchábamos. Exactamente. Sí, es un CD de Manu. De los primeros tiempos que se hacían fiestas un poco más así tecno, pero con un rollo un poco mezclado con trance, ¿no? ¿Es sonido actual o...? Cañero, ¿no? ¿Tú eres... que no, bastante antiguo. ¿No? D'accord, donc c'est du son un peu, enfin pas vraiment récent, mais du son barcelonais mixé par vraiment en fait le QG, c'est Tasmaniac dans le Raval. Donc effectivement, Yuri c'est un collaborateur, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Effectivement, la preuve. No sé si es una parte de solidaridad o no, pero es un amigo de Guillaume qui est ici, qui joue la musique. Es un casualidad, ¿no? Sí, nos hemos visto aquí. Y hace años que nos conocemos a cuesta de esto, de fiestas y de pinchar juntos, aprender y bueno, pasarlo bien, sobre todo. Antes de todo. ¿Y desde cuánto tiempo estás hacia aquí? Pues unos 10 años con toda esta movida de la música, ¿no? Ah, sí. Que llevamos desde que empezábamos con fiestas de 30, 50 personas. ¿Y ahora? Que era como ir a comer juntos el fin de semana y poner música y al final pues fiestas de 4.000 de cantidad de gente ahí. Et c'est la magie justement des soirées, des teufs et des free parties comme on les appelle. D'ailleurs là-dessus, Guillaume, j'aimerais bien que tu puisses nous dire un mot. Toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es ici à Barcelone ? 10 ans, pareil quoi. 10 ans. On s'est rencontrés au premier teuf de Tasmaniac. Ouais. Et... Tasmaniac, en deux mots, c'est un collectif. Ouais. Est-ce un collectif ou des... C'est deux choses en fait. Une boutique de disques pour faire un peu de pub. Ouais. Et aussi le nom des teufs qui s'organisaient à l'époque, puisqu'elles sont des teufs qui se faisaient il y a 10 ans, en 2002. Ouais. Hein, donc c'est ce que disait Yuri, quoi, des petites teufs au tout début. 20, 30 personnes. Et puis à la fin 4000. 4000 et quelques fois un peu plus. Si. D'accord. Et donc toi tu connaissais, enfin j'imagine que quand t'es arrivé ici à Barcelone, c'était dans le but aussi, dans l'espoir de pouvoir développer tout ça. Non, du tout. Non. Ah, c'est un hasard. C'est-à-dire qu'en France, toi, tu faisais pas du tout le même. Si. Je mixais en France et tout, mais j'étais pas venu ici pour monter des teufs à la base du tout. Non. Ah ouais. Non, c'est les rencontres, c'est parti de rien. Apparemment, c'est ce que nous disait à l'instant Yuri, quoi, 200 personnes au début pour arriver à des trucs de 4000. Ça, j'en souviens, tu en avais parlé. Vous attendiez à recevoir trois fois que dalle et c'était là. Enfin, explique-nous un peu l'époque des free parties ici, quoi, comme tu as pu le vivre. On peut pas comparer une free party. Pardon, hop, dans le micro, voilà. on peut pas comparer une free party comme on l'entend en France. Avec une free party espagnole. Alors ça m'intéresse. Je voudrais bien que tu nous le dises justement là-dessus. Ouais. Alors ça. Pour avoir fait des teufs en France, mais pas en Espagne. Bah regarde, l'étoffe en France, c'était quand même assez agressif. Ouais. Hein, tu veux dire le côté kaki, un peu le armée et compagnie, musicalement, un peu... Physiquement ouais. et musicalement, quoi. Hein, la déco, tout est ouais. assez glauque, noir, agressif. Hablamos de la imagen de las fiestas entre ah. la diferencia ouais, entre ouais. entre ouais, la compris, ah, il parle français. Ah, on t'a eu, on t'a eu. Ah, Yuri, tu nous l'avais caché. Ok, tranquilo para mí. Unos cuantos años también conviviendo con gente francesa. Ah, sí. 10 años de fiesta con nosotros. Las paranoias. ¿Has aprendido a hablar francés con los tus compañeros de piso? Entendido. Ah, sí, ok. Bien, bien, bien. Ah, bah, c'est le 13 noches. La semaine. Ouais. Donc alors explique-nous, parce que ici effectivement il y en a souvent qui disaient il y a des gros stuff trans, tout le monde a la cool, il y a des couleurs, il fait beau à la alors, plage, voilà, Barcelone il y a longtemps. T'as le typique art tech français qui vient en Espagne, qui vient chercher une free party, il arrive dans une free party espagnole, pour lui c'est de la trans. Erreur. Ah, enfin, c'est ce qu'ils disaient à l'époque il y a une dizaine d'années. Voilà, tout ce qui n'était pas art tech en France, c'était de la trance. Donc c'est pas vrai, il y a mais quand même plus de 50 styles différents de la techno. C'est toujours un peu le cas. C'est oui, c'est le bon ce qu'ils voient, les gens quoi. Moi aussi je le pensais à l'époque quand j'avais 15 ans, tu vois, parce que j'avais rien compris. Eh ben bienvenue au club. Tu vois ce que je veux dire. Bon, ça veut pas dire que j'aime pas l'art tech. Si j'aime l'art tech, tu vois, de temps en temps. Ça m'éclate, mais je referai plus des teufs de 15 jours à écouter de l'art tech. Donc c'était quoi les styles, hein? Explique-nous réellement qu'est-ce qui se passait ici, dans ces teufs-là. Il y avait une grosse évolution musicale au niveau de, en fonction des gens et de l'animaux des gens, l'état. Ouais, ouais. L'état des gens. Ouais. L'état des gens, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à foutre 180 BPM à un pauvre gars qui vient d'arriver dans une teuf qui sait pas où est-ce qu'il vient d'arriver. Qui cherche plutôt ses petits repères, tu vois, tu t'installes quand tu arrives dans une fête, parce que bon, c'est quand même assez convivial. Mmh. Ici, tu peux laisser ton sac, il n'y a personne qui a te le péta, donc le truc, c'est de t'installer. Une fois que tu es installé, bon, après, tu fais connaissance avec les gens. Tu veux dire qu'il y a une communication, il y a vraiment grave, un feeling. Grave. Est-ce que, très franchement, est-ce que c'est pas toi qui as grandi et évolué dans ce sens-là et qui a une autre vision différente de la façon dont se passent les teufs, etc. Écoute, sûrement. Ou est-ce que vraiment c'est un délire complètement différent. Ah, et voilà, là, de ce fait-là, c'est musical, c'est dans l'esprit machin. Bah, écoute, moi je suis arrivé ici, j'avais 20 ans avec mes deux petits bacs de art tech, tu vois, et puis j'arrive dans la teuf. Pour mixer, il y a une petite teuf de 100 personnes, donc je vais pour mixer et j'entends de l'acide, de la house, de la techno. Après, hop, durant la journée de la dub, puis je regarde des travelers anglais, je leur fais, mais c'est quoi ce truc là? Moi, je suis venu pour écouter de l'art tech. L'autre il me regarde, tu vois, mais un vrai traveler de toute la vie, donc lui, art tech, c'était même pas la peine de lui raconter. Je crois que tu t'es trompé d'endroit. Ici, on est en Espagne, puis en fait, tu vois, je regarde autour de moi. Il y en avait un qui était en rouge, une autre qui était en rose, tu vois, il y avait vraiment de la couleur, les gens, ils étaient avec le sourire, quoi. C'est bien, avec un sourire. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est vraiment... Les gens, au bout vraiment... de 3 jours, très fatigués, parce que t'es fatigué au bout de 3 jours, tu danses, tu sues, tu vois. Mmh. Et ben les gens, ils étaient là, il n'y a personne qui avait bougé. Mmh. Et après, bon, je pense que ça a plu. Ouais. Ça m'a plu. À moi, avant tout, ça m'a plu. Donc, c'est clair, mes disques, je les ai vendus. Ouais. Et puis je me suis reconverti, donc après on a commencé. Je suis adapté un peu au fait à la fête d'ici. Mmh. C'est-à-dire que tu peux pas écouter non plus de la house toute la nuit, tu peux pas écouter de la trance toute la nuit, ni de l'art tech. Voilà, mais c'est bien varié ici, quoi. Il faut vraiment évoluer. Et une ouverture petit d'esprit par rapport aux styles musicaux, justement, parce que il y a une diversité dans les styles que c'est franchement vachement enrichissant, quoi. Oui. Tu vois, et il faut en profiter, ouais. Tu vois, et ils sont là pour ça, justement. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup, justement, j'avais fait une étude, juste au passage, entre parenthèses, sur les teufs, les free parties, machin, etc., parce que je m'intéressais à ce phénomène, et je trouve qu'il est à l'image de ce qui se passe un peu dans, enfin, de l'état d'esprit d'un pays, si tu veux, peut-être, entre parenthèses. Pour moi aussi. C'est-à-dire que, pour moi aussi. Effectivement, quand tu vas dans des teufs en France, c'est très militarisé, c'est très agressif. Les gens restent pas en teuf. Ouais. Si tu fais attention, il y a beaucoup de gens parce que ce sont des... ils n'ont pas le choix en France. Ou tu fais une très grosse teuf massive, ou tu fais une petite teuf et t'as les keufs qui te virent. Tu vois, t'as pas le choix. C'est, ouais, c'est la puissance du groupe. Tu vois, parce qu'on peut pas virer 20 000 personnes comme ça. Et l'organisation, ah, c'est de la même façon. C'est trop dangereux de faire ça. Donc toi, t'es arrivé de faire des trucs gigantesques malgré toi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas laissé déborder par les événements en attendant 200 personnes, bah, en recevant 4 000, mais, par exemple. Si. C'est le principe. Si, mais les gens venaient pas, venaient faire la fête. Les gens venaient vraiment dans un état d'esprit de fête. Avec beaucoup de respect, peut-être, ouais. Pour le lieu, pour, je sais pas, ta vision par rapport à ça. C'est bien d'en parler parce que déjà, nous, on avait toujours mis un point d'honneur sur changer de lieu. Parce que ce qui fait une belle fête, avant tout, c'est quand même l'endroit. Si tu trouves pas un endroit, je veux pas dire magique, mais un endroit nouveau, parce que si tu répètes la fête dans un même endroit, il y aura une lassitude. Bah voilà, mais d'accord, c'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs actuellement, parce que les teufs sont souvent à la Macabra. Il y a d'autres trucs, parce qu'on parle de ton époque, tout ça. Il faut dire qu'il y a encore toujours des teufs à Barcelone, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y en a autant qu'avant et dans des lieux diversifiés ? Effectivement. On ne peut pas accuser les gens qui montent les fêtes maintenant d'avoir la faute, tu vois ce que je veux dire ? Parce que monter une fête, ce n'est pas facile non plus. Non, ce n'est pas évident, effectivement. C'est un problème qui circule au dernier moment. Si tu veux ramener 500 personnes, il faut penser à un parking pour 500 personnes pour ne pas te faire pécho par les flics directement parce qu'il y a une voiture qui est garée sur l'autoroute. Il faut penser, je sais pas, tu vois, c'est pas facile de trouver un endroit. Après, quand tu passes à 1000, c'est encore plus difficile, et à 2000, c'est encore plus difficile. Et plus tu montes, et plus c'est difficile, parce que nous, c'est vrai que des fois, on a bloqué des autoroutes, tu vois. Mais ici, c'était plus simple qu'en France, par exemple, de faire des teufs. C'était plus simple parce que, il faut dire la vérité, la police ne savait pas ce que c'était. Il y a 10 ans. Mais combien de temps exactement? 95, 96. En 96, on a commencé à faire un boom au niveau des teufs. Jusqu'en 2002 ou 2002, hein, Rolik Sakao. Explique-nous alors. Les bonnes choses ont toujours une bonne histoire. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement, concrètement. Concrètement, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que il est arrivé la même chose à plein d'autres gens, ce qui nous est arrivé à nous, tu vois. C'est-à-dire que nous, on est arrivé ici, on pouvait monter des fêtes, c'était génial. On n'avait aucune réquisition, les flics qui venaient même te dire « je passerai après le service », tu vois. C'était vraiment la balle. Et tu voyais les gens baiser dans les champs, tu vois. C'était charmé. Mais dans ces fêtes-là, on n'était pas les seuls Français. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'Anglais, plein d'Allemands, plein de gens qui étaient habitués à toute cette teuf art tech, qui aimaient nos fêtes pour l'ambiance, mais qui n'étaient pas d'accord avec notre musique et qui sont venus avec cette musique ici. Tu veux dire qu'il y a eu une évolution dans l'Asie, qu'il y a des teufs à cause d'une invasion d'art tech à la française passé, c'est qu'en fait, ce qui a impressionné les gens qui font les fêtes ici sont principalement des petits jeunes espagnols, avec plein de bonne volonté, mais ce qui leur a pris, c'était l'art tech, parce que c'était boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, tu vois ce que je veux dire. Et ça, moi, quand j'avais 18 ans, ça me plaisait grave. Moi j'avais effectivement l'art tech. Ceux qui montent les fêtes maintenant, tu vois, excuse-moi de te couper. Non, vas-y, je t'en prie, finis. Moi je commence, j'ai 30 ans, mes potes avec qui je monte les teufs, ils sont un peu plus vieux que moi. On est un peu fatigués. De soirée. Tu sais, au bout de 4 jours de fête, ramener les enceintes, le bar et le machin, battre 10 000 fois avec les keufs, éviter qu'il y ait des embrouilles. Mais en sachant que c'est des fêtes clandestines et que tout se passe en loose des machins, est-ce que quand il s'agit de les keufs viennent et qu'il faut, il y a un responsable qui prend les devants et qui s'affirme responsable de soirée. Ah, t'as pas le choix. Est-ce que toi à ce moment-là, c'est le collectif qui a organisé ça, qui a déplacé le matos, c'était qui s'occupe de ça? Tu peux pas accuser 50 personnes. Vois ce que je veux dire. Voilà. C'est ta teuf. Et là, juridiquement, ça se passe comment? Écoute, moi j'ai jamais eu une plainte. D'accord. En Espagne. J'en ai eu une l'année dernière. Ah ouais, attends, on va rebondir là-dessus et puis on laissera Philippe. Donc une l'année dernière, mais donc tu rejoues en fait, il se passe des choses. Elle appelle le cumpleaños de la Rosa. Une fête de 10 personnes. Il n'y avait pas de musique. Ah bon, bien. Yuri, te escuchamos. ¿Entiendes todo? Porque hablamos de la evolución de la música, la diferencia entre la Francia. Uh-huh. Y vale, hablas de esta fiesta, no sé qué, que ha pasado 10 personas. Imagínate en Barcelona cómo está el problema con la policía. ¿El cumpleaños de quién? De Rosa. Ah, de Rosa. Pues, la buena amiga. Bueno, últimamente es que nosotros hacemos fiestas familiares un poco, ¿no? Ah, es la evolución de... Es la evolución de Tasmania. Voilà, donc en fait, Tasmania, ils font leur teuf entre eux souvent, des petites free parties. Que, bah non, mais c'est vrai, il faut disfrutamos faire. De la música... No, a lo grande. ¿Y tú cómo te parece la organización aquí a Barcelona de fiesta? ¿Cómo eso? Bueno, yo creo que hay mucho movimiento y muy diferente, porque hay fiestas de trance, de techno, hard techno, pues hay mucho ahora, ¿no? Que antes no había tanto y ahora realmente hay muchas fiestas, la mayoría, pero también hay de trance, de... Pero privada, donc il est en train de nous expliquer effectivement qu'il y a, des teufs, mais est-ce qu'elles sont privées? Il y a beaucoup d'actualités. Están privadas las fiestas, ¿cómo se organiza ahora? Porque efectivamente, con la represión, pocas free parties depende. ¿Cómo está la época de momento? Bueno, yo creo que cualquier fiesta depende de cómo la organices, ¿no? Así que te tienes que librar de la policía, sí, de acuerdo. Como sea. Bueno. Me acuerdo de que nosotros habíamos cambiado 4 veces de sitio, sí. A último momento. Voilà, donc ils changent, ils changent beaucoup de lieux, ils évitent la police, ils bougent pas mal en fait. Y entonces se sigue. Todavía hay fiestas, se organizan fiestas. Il a fini, on va traduire tout après. On va... D'accord, si, on va t'écouter, vas-y. Claro. Habla, vamos. Claro, entonces la evolución se organiza todavía fiestas. Fiestas de free party pero pequeñitas. No, así, no, familiar. No, hay fiestas grandes también. Grandes. Nosotros estamos ya después de 10 años un poco más tranquilos, ¿no? Pero en la escena de Barcelona realmente hay de todo. Hay fiestas en Poblenou, casas ocupadas, vale. Hay fiestas fuera de Barcelona, en la montaña. Y entonces, las traigo. Hay movimiento y no es no son fiestas privadas. No. Son fiestas públicas donde por amigos o por tiendas o por contactos te enteras. Y hay gente de colectivos también. ¿Puedes citarnos a colectivos? Porque habías colectivos franceses como los de Prave, que antes... Era aquí, o hay colectivos como Tasmaniac. Tasmaniac también participé a gran fiesta de free party. Sí, pero ya hace unos años que no, más que todo por la problemática que lleva tener la responsabilidad de tener sí, 1000 personas drogadas ahí, sí. Que después se van y realmente pues... no tener problemas. No... ¿Conoces a gente que tenían problemas aquí, pero problemas... Muy, sí. Muy difícil con la policía o no sé qué. No, yo creo que la policía aquí en España realmente no es muy dura. No. Realmente, si no das problemas... Con la fiesta yo pienso que no, No, sí, no sí. Si no das problemas de realmente de liarla bien o destrozar un sitio, te dejaban hacer las fiestas hasta... He visto policías que ayudaban a entrar a los coches para sí, que no sí, se sí, quedaran sí. Ahí, ¿sabes? En medio, ¿no? Así sí. Que, bueno, yo creo que ahora los Mossos de Escuadra están un poco más duros, pero se puede hacer sí, fiestas. Sí. Yo pienso que está bien. Ahora es más difícil, pero yo pienso lo mismo, que la policía está tranquila. Porque conozco el ambiente con la policía en París y en Francia, no es lo mismo que aquí. Cuando la gente va a decir, es la mierda, es la mierda, sí, es la mierda, pero yo pienso que la policía está bien. Bueno, yo creo que tampoco somos gente peligrosa, ¿no? Sí, sí también. La mayoría somos gente que queremos disfrutar de la libertad, la música y las drogas. Bon, je sais pas si tout le monde comprend en tout cas, parce que nos auditeurs à l'étranger, on a des auditeurs à l'étranger, on pense à Marco à Paname, ouais, on croit la radio. Marco parle de plus d'espagnol que nous. Ouais, voilà, ça. Effectivement, il va bientôt. Franchement, c'est assez clair, il a tout compris. Enfin, un auditeur fidèle, et on vous fait un peu travailler votre espagnol à distance. Ouais, puisque de toute façon, il n'y a pas eu cours pendant un moment, il va falloir rattraper un petit peu les cours d'espagnol, et c'est en écoutant les gabachos sur Contrabande. Voilà. Vous allez faire de nombreux efforts. Merci. De nada. Est-ce que t'as chopé le petit Willyman, quoi, pour faire plaisir à certains? Le petit Willyman qui doit être dans le coin, ouais, bien quand sûr. Quand même, du bon son en perspective. Eche, Voilà, des anciens activistes de la scène Free Party qui s'active. Ouais, où on se fait plaisir, un petit ouais, René Binamé. C'est pas celui que j'avais dans la prochaine dont tu m'avais parlé. Bon, bah écoute, René Binamé, rien à voir, mais bon, à distance, on. Comment dire, on est un petit peu à notre manière. Vas-y, je t'en prie, René, parce que. René Binamé, qui a fait partie d'un festival antifasciste à Genève. L'un des plus grands festivals antifascistes qu'il y a chaque année. Et qui représente quand même énormément. Déjà, il y a toute l'Europe qui vient. Et ça vient même hors Europe, spécialement pour ce festival. Ça dure 3 jours. Et il y a ce qui se fait de mieux sur la scène, on va dire, tout ce qui est plus ou moins antifasciste sur la scène européenne en tant que groupe, quoi. Et c'est vraiment énorme, quoi. Il y a, je sais pas, en tant que groupe, il doit y avoir 70 et 10, entre 60 et 70 et 10 groupes en 3-4 jours, quoi. Putain, c'est clair. Il y a 4 sexes. Ça, c'était de la balle, ce festival. Et c'est chaque année. Et c'est une association qui s'appelle Root Boy United, qui sont en fait sur Genève. Et c'est le site, c'est www.rootboyunity.com. www.rootboy.com. Voilà, c'est sur Genève. Et en fait, c'est ce mouvement antifasciste, Root Boy, Root Girl. Et s'il se bouge énormément, et c'est vraiment des gens super sympas. Et voilà, c'est pour tous les gens. Bah, si vous écoutez, on pense à Dandara, justement, qui c'est elle qui nous a passé le CD de Belgique, quoi. Pourquoi pas, il y a des Belges qui écoutent, hein. Effectivement, on parle la même langue. Et voilà, René Binamé, on continue la lutte, quoi, parce qu'il y a des groupes qui se bougent comme ça, qui ont vraiment des paroles. Et ben, on va écouter des paroles, prenez ça dans la gueule pour certains. On vous donne juste un petit extrait. On est parti. Un petit extrait de ce qui se passe ici. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'appliquent, et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans toi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre,

Bye.